Normalement, normalement, oui. Vous les avez vus, vous les avez connus, le Macumba, le Zénith, l'Acropolis, les bains-douches, le pick-up, le palace. Et puis, il y avait la nuit des temps. Un club dans le nord de la France qui avait pour particularité de programmer des sons dans tous les sens. De la soul, du funk, de l'électro, de la disco et même du jazz. Chaque semaine, nous allons faire revivre l'esprit unique de ce club. Chaque semaine sur Radio Dio, nous allons rouvrir les portes de la nuit des temps qui, à la fin des années 70, avait créé sa radio, une radio pirate pour diffuser ses playlists. On rallume les amplis, ça grince un peu. On dresse l'antenne comme les studios de la RKO. Bienvenue dans la nuit des temps. Khalifa, la plus haute tour du monde, 828 mètres tout de même, est inaugurée à Dubaï. Apple annonce la sortie de son premier iPad. Le volcan Ejafjall entre en éruption et bloque les avions dans le ciel pendant une semaine. L'Espagne, quant à elle, remporte sa première Coupe du monde de football. 33 mineurs chiliens se retrouvent enfermés à 700 mètres sous terre. Et puis, Instagram, lui, est lancé pile en octobre et ça va changer deux ou trois bricoles sur les réseaux sociaux. Cette semaine, nous ouvrons les portes de la nuit des temps sur l'année 2010. Notre bon vieux club est piloté par Tonton Camille qui a farfouillé dans les productions de l'époque. Il a réussi à déterrer quelques merveilles qui ne nous feront pas dire que c'était mieux avant. Oh non, non, non. Mais, peut-être que c'était cool aussi. C'était cool aussi, 2010. Alors, tremblez vampires, dinosaures, fantômes et autres revenants. Nous faisons l'archéologie de l'international de la danse avec le compteur réglé sur il y a pile 14 ans. Ce soir, il y a un peu de vous, il y a un peu de nous aussi. Et c'est Dance or Die. Avec de quoi mettre des vieilles bûches pour alimenter le dance floor. Dance or Die. Vous écoutez Radio Duo pendant une heure. C'est la nuit des temps, notre bon vieux club. Et bienvenue en 2010. Cyborg, Android, D-Boy, Decoy, Water, Wisdom, Tightrope, Vision, Insight, Stronghold, Heartless, Ice Cold, Mystery, Mastery, Solar. Some will pull the gun because they want to be stars. Snatching up your life into the blink of an eye. And if you see a clone on the street walking by, keep it running for your life cause only one will survive. Wars in the streets and it's an eye for an eye. Run on for your life or you can dance, you can die. She's praying on the sand like she's the last samurai. It's a stick up, and a pick up, telling lies and put your face on fire. Run and take your friends and never dream of a win. Ghettos keep a crying to the street full of zombies. Kids are killing kids and then the kids join the army. Rising and awakening, yes, I hear come the suns. Marching to the ruin with the kick of the drum. The wisest in me and they got the bombs and the guns. So you might as well keep dancing if you're not gonna run. And the bodies drop. I'm gonna lay myself so far right down, right in your chops. Modern day example of a woofer's clock. Freedom necessary and it's by any means. Frozen, they were selling all the kings and the queens. Sudanese and Congolese who put the roll in the rock. From here to Sudan, my travel is to Iraq. It's a minute to the dawning, yet the sun ain't back. It's a war on all the streets, and yes, the streets will dance or die. Spécial 2010 dans la nuit des temps. Softly with the sun. Le 18 mai 2010, Janelle Monáe publie The Ark Android chez Bad Boy Records, un premier album inspiré par Fritz Lang, Hitchcock, Philippe K. Dick et Debussy. Mais surtout, c'est un coup de maître dans le R&B, à la fois expérimental et qui n'oublie jamais le dance floor. Sudden bad things that happen make you realize that you've been here a lot longer than a whole bunch of people thought you were. Mild apprehension, blank dreams of the coming fun, distort the odds of a turnaround, gut screams out next to none. Congratulations, c'est le second album très psyché des MGMT. C'était aussi un procès contre la droite qui avait utilisé ce son sans autorisation. Bonjour, je suis la reine d'Angleterre et je vous chie à la reine. Bonjour, je suis la reine d'Angleterre et je vous chie à la reine. Je vous chie à la reine car le monde est ainsi. Terry, je vous chie à la reine. La nuit des temps. Hello, I am the queen of kingdom and I am shitting on your face. Hello, I am the queen of kingdom and I am shitting on your face. Je suis la reine d'Angleterre et je vous chie à la reine. On poursuit l'exploration de l'année 2010 avec un groupe bien post-punk de Brooklyn. Ils avaient été repérés par Mia qui a fait monter la mayonnaise. Et les Slade Bell étaient sur les radars de la presse ou des clubs qui n'ont pas résisté à ce doux mélange de nostalgie 60s porté par la voix envoûtante d'Alexis Krauss. Voici les Slade Bell pour que ça sonne vraiment, vraiment, vraiment bien. La nuit des temps, l'international de la danse. Have a heart, have a heart, have a heart, 16, 6, 6, 6, and I know the part. You are the river flow, and we can never know. We're just the weatherman, you make the wind blow. Keep thinking about every straight face, yes. Wonder what your boyfriend thinks about your braces. What about them? I'm all about them. Six up straight A's, cut them in the bathroom. So this is it then. You're on the front, I'll pick up the phone. Then ring, ring, call my phone. Up on the trip. So this is it then. Slade Bell. Et toujours en 2010, les Vampire Weekend ont réussi à ressusciter le calypso de Harry Belafonte. Ou bien quelque chose comme les sons de Soweto. En tout cas, des sons révélés en Occident à la fin du XXe siècle et qui font la part belle aux chants populaires. Il faut dire que le succès de ce groupe est assez dingue, alors qu'il s'agit avant tout d'une bande d'intello, d'étudiants en musicologie à Columbia. I smoked a joint with my best friend. We dramatic place. Toujours en 2010, on arrive aux adieux de l'un des groupes les plus importants des années 2000. C'est LCD Sound System. C'est James Murphy, lui-même sous haute influence de David Byrne et des Talking Heads dans les années 80. C'est le post-punk qui fait danser. Mais c'est glacé. Mais c'est chaud. Mais c'est Kungaz. Mais c'est cérébral aussi. C'est Giorgio Moroder. I will relax. This is happening. From this position. Pow wow. I can see the whole place. From this position. Oh, just relax. From this my position, I make some stand. I make my peace with the man. And it goes pow, pow, pow, pow, pow. Pow, pow, pow, pow. I can see both of them. From this position, I totally get how the decision was reached. From this position, I can say serious or cop-out or hard to define. From this position, it's a... I'm eating myself to death. You on the outside, and me on the inside. There's advantages to both. Advantages to both! And me being uptight, and you being alright. There's advantages to each. Advantages! Advantages! From this perspective, from this position, I have a good grip on both of them. Because I have stayed home, and I've learned a little more about my neighborhood, which is important. La nuit des temps, l'international de la danse. And then home and away again to ease up your desire. Et ce sont sans doute ses racines bretonnes qui remontent dans cette intro des ratatates. C'est tonton Camille à la programmation de cette spéciale 2010 et nous invite au bar Fest. Fest knows, même combat. People after school and beat them up if I didn't like them, if they were pretty or they smiled too much. Oh, 2010 sans les Black Keys ne serait pas vraiment 2010. Le duo de l'Ohio est signé sur le label Un Chouï Expérimental, Nonsuch Records. Et justement, cette année-là, les Black Keys explosent tous les compteurs, avec, tenez-vous bien, plus d'un million d'exemplaires vendus. Bon oui, c'est sans doute un peu plus que Steve Reich ou Philip Glass sur le même label. Et là, on vient d'écouter Everlasting Light. Toujours en 2010, The Drums, Let's Go Surfing. Entendez-vous les grandes orgues résonner depuis l'an 2010? La nuit des temps a remonté les compteurs jusqu'à 14 ans plus tôt pour accueillir ce soir dans notre bon vieux club Ayam, Ami ou Ami. Il y avait également Janelle Monáe en powerplay car elle aura tant marqué 2010 avec son premier album que l'on peut facilement ériger au rang de chef-d'œuvre. Eh bien, on va même la retrouver en bonus dans quelques secondes. Un vrai, vrai, vrai powerplay. Il y avait également les MGMT. Philippe Catherine qui ose tout et sauve chaque décennie de la sombritude torturée. Les Slade Bell est une belle découverte en ce qui me concerne. Vampire Weekend qui, à leur manière, ose tous les rythmes. Il y avait également le duo new-yorkais The Hundred in the End, mais on peut aussi dire TIS. James Murphy, ça vous l'avez reconnu, et son LCD Sound System. Il y avait aussi Ratatat, les Black Keys, à l'instant The Drums, et là tout de suite, Terminus. On a parcouru pendant une petite heure l'année 2010 et merci à Tonton Camille pour sa programmation. promis, promis, ça n'avait rien amusé. Il ne ressemble absolument pas à Stéphane Bern. Mais c'est grâce à ces sons ultimes de la soirée que nous allons pouvoir lever le nez vers le ciel de Saint-Étienne. Un ciel bien dégagé cette nuit, vers lequel on peut compter les étoiles. Restez bien sur Duo. La nuit vous tend les bras. Janelle Monáe aussi en bonus. Buona notte. Salut. Encore un peu de 2010. I hear the drizzle of the rain, it's falling from my window. And in the corners of my mind, I hope that I'll get to see you again. La-da-da-da-da-da-da-da-da, my friend. I hear the colors in the flowers. Snuffed at dawn, you're here, you're near, you're there, and then you're gone. Da da da da da da. Suffering, singing, sad, all the hurt. See, I'm really lost, baby. We suffered a wearing blue, so much hurt. times are hard and friends are few. I scream in pain, brother, where are you? Times are hard and friends are few. Storm over the anthill. There's such a famine in the wind. A war for liberation's begun. Little boys become men. Storm over the anthill. Who's my pop? My mother, is she with us? Better check how far. How far? How far? Times are hard and friends are few. I scream in pain, brother, where are you? Times are hard and friends are few. Brother man, where are you? No time for jiving. There's a job to be done. Love those who are comrades. There's a war to be won. Hey queen, hold my hand. Soul, truth, and wisdom, they're at my command. I'm saying, child, brace yourself, hold your tears. We'll all die now, then we'll suffer for years. I'm saying, times are hard and friends are few. Times are hard and friends are few. Such a famine in the wind. A war for liberation begun. My little boy, he became a man. Storm over the anthill. Who's my pa? Mother, is she with us? I'm telling you, better check how far. How far? How far? Times are hard and friends are few. I scream in pain, brother, where are you? Times are hard and friends are few. Brother man, where are you?